André Dussolier lit Jean Cocteau, le menteur. Je voudrais dire la vérité. J'aime la vérité, mais elle ne m'aime pas. Voilà la vérité vraie, la vérité ne m'aime pas. Dès que je la dis, elle change de figure et se retourne contre moi. J'ai l'air de mentir et tout le monde me regarde de travers. Et pourtant, je suis simple et je n'aime pas le mensonge, je le jure. Le mensonge attire toujours des ennuis épouvantables et on se prend les pieds dedans et on trébuche et on tombe et tout le monde se moque de vous. Si on me demande quelque chose, je veux répondre ce que je pense. Je veux répondre la vérité. La vérité me démange. Mais alors, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis pris d'angoisse, de crainte, de la peur d'être ridicule et je mens. Je mens, c'est fait. Il est trop tard pour revenir là-dessus. Et une fois un pied dans le mensonge, il faut que le reste passe. Et ce n'est pas commode, je vous le jure. C'est si facile de dire la vérité. C'est un luxe de paresseux. On est sûr de ne pas se tromper après et de ne plus avoir d'embêtements. On a les embêtements sur place, vite, à la minute, et ensuite les choses s'arrangent. Tandis que moi, le diable s'en mêle. Si j'aime, je dis que je n'aime pas. Et si je n'aime pas, je dis que j'aime. Et vous devinez les suites. Autant se tirer un coup de revolver à en finir. Non, j'ai beau me sermonner, me mettre devant l'armoire à glace, me répéter « tu ne mentiras plus, tu ne mentiras plus, tu ne mentiras plus ». Je mens, je mens, je mens. Je mens pour les petites choses et pour les grandes. Et ce n'est pas que je suis lâche. Chez moi, je trouve toujours ce qu'il faudrait répondre et j'imagine les coups qu'il faudrait donner. Seulement, sur place, je me paralyse et je garde le silence. Oh, je changerai. J'ai déjà changé. Et vous, dites-vous la vérité ? Êtes-vous digne de m'entendre ? Au fait, je m'accuse et je ne me suis pas demandé si le tribunal était en mesure de me juger, de me condamner, de m'absoudre. Vous devez mentir. Vous devez mentir, tous, mentir sans cesse et aimer mentir et croire que vous ne mentez pas. Vous devez vous mentir à vous-même. Tout est là. Savez-vous, mesdames, messieurs, pourquoi je vous ai raconté que je mentais, que j'aimais le mensonge ? Ce n'était pas vrai. C'était à seule fin de vous attirer dans un piège et de me rendre compte, de comprendre. Je ne mens pas, je ne mens jamais. Je déteste le mensonge et le mensonge me déteste. Je n'ai menti que pour vous dire que je mentais. Et maintenant, je vois vos visages qui se décomposent. Chacun voudrait quitter sa place et redoute d'être interpellé par moi. Madame, vous avez dit à votre mari que vous étiez hier chez votre modiste. Monsieur, vous avez dit à votre femme que vous dîniez à votre cercle. C'est faux. Faux, faux ! Osez me donner un démenti. Osez me répondre que je mens. Osez me traiter de menteur. Personne ne bouge ? Parfait. Je savais à quoi m'en tenir. Il est facile d'accuser les autres. Facile de les mettre en mauvaise posture. Vous me dites que je mens et vous mentez. C'est admirable. Je ne mens jamais. Vous entendez ? Jamais. Et s'il m'arrive de mentir, c'est pour rendre service. Pour éviter de faire de la peine. Pour éviter un drame, de pieux mensonges. Forcément, il faut mentir. Mentir un peu, de temps à autre. Quoi ? Vous dites ? Ah, je croyais. Non, parce que je trouverais étrange qu'on me reprochât ce genre de mensonge. Venant de vous, ce serait drôle. De vous qui mentez, à moi qui ne mens jamais. Tenez, l'autre jour... Mais... Non, vous ne me croiriez pas. Du reste, le mensonge... Le mensonge, c'est magnifique. Dites, imaginez un monde irréel et y faire croire. Mentir. Il est vrai que la vérité a son poids dur et qu'elle m'épate. La vérité, les deux se valent. Peut-être que le mensonge l'emporte, bien que je ne mente jamais. Hein ? J'ai menti ? Certes, j'ai menti en vous disant que je mentais. Ai-je menti en vous disant que je mentais ou en vous disant que je ne mens pas ? Un menteur, moi ? Au fond, je ne sais plus, je m'embrouille. Quelle drôle d'époque. Suis-je un menteur ? Je vous le demande. Je suis plutôt un mensonge. Un mensonge qui dit toujours la vérité. André Dussolier lisait « Le menteur » de Jean Cocteau.